peuple qui pas prend ça, nous qui fait machine à rouler. Si les hommes coupent comme là, les îles là obligé rouler. On met cela qu'à marcher, et on la qu'à faire chihuahua. Pays, on me l'a premier puis la fin, mais pas qu'à y s'en motiver.